Demain, tu as déjà dit qu'on pouvait retarder la pénétration supplémentaire. À ce moment-là, supposons que toi, tu dis souvent que tu as un mandat pour faire telle chose. Tu as un temps pour faire ça. Ça veut dire que si tu es comme tout le monde, dans le sens universel, tu peux être retardé dans ton travail. Comme nous, on peut retarder la pénétration du supramental. Je peux retarder mon travail, moi. Mais à ce moment-là, c'est pour qui? On peut retarder la pénétration du supramental? Si on est universel, on ne peut pas être retardé. C'est une façon de parler, ça, vous êtes retardé. Si je vous explique quelque chose, si je vous dis, moi, donner un exemple. Si je vous dis, si vous m'arrivez avec des questions, l'intellect me dit, vous vous retardez dans votre évolution. Ça ne veut pas dire que vous vous retardez dans votre évolution, ça veut dire que vous vous retardez dans votre évolution. Comment est-ce que vous dites? Ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire, arrête de poser des questions. Pourquoi est-ce que les gens ne rentrent pas au même moment dans la conscience s'il n'y a pas de hasard? Parce que tout ça, les gens sont faits différemment. Il y a des Ford, il y a des Chevrolet, il y a des Chrysler, etc. Ça vient de quoi? C'est-à-dire que toutes sortes de chars qui ne peuvent pas aller à la même vitesse. Ils ne sont pas faits du même matériel. Ils ne sont pas construits pareil. Ils n'ont pas la même expérience. Ils n'ont pas la même évolution. L'homme n'a pas la même expérience. Tu n'es pas comme elle, tu n'es pas faite comme elle. Non, mais qu'est-ce qui a fait que dans le temps, je ne suis pas devenue comme elle? Si les autres savent tout, puis qu'il n'y a pas de hasard. Tu avais ta vie, tu avais ton évolution. Elle avait la sienne. Simplement dire, on va tout à l'heure, mais on va en porter le même chemin. Exactement. Bon, on n'en vivra pas tout en même temps. Mais non, parce que je ne suis pas pareil. Il y en a qui vont arriver en temps. Mais ça, il fera rien, lui, parce que ce ne sera même pas un retard. Il va arriver à son rythme. C'est ça. Chacun à son rythme. Pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter si on est fusionné ou pas, si c'est ici ou ailleurs, ce sera bien quelque part dans le temps. Exactement. C'est notre évolution, ce n'est pas nos affaires. Non. Ce n'est pas nos affaires. Hein? Si notre évolution, ce n'est pas nos affaires, pourquoi est-ce que. Ben, les gens n'évoluent pas à la même élite parce qu'ils ne sont pas rendus au même stage, ils n'ont pas la même distance. Mm-hmm. Et dans l'évolution, si deux hommes ont commencé à évoluer en même temps, pourquoi l'une va arriver à l'autre? Qui c'est que je dis deux hommes ont commencé à évoluer en même temps? J'aurais répondu. On recommence pas à penser, là, tu t'en venais bien. Ouais, je pense qu'on va prendre bien un petit break à soir parce qu'il fait chaud ici dans l'enfer. Hein? T'es fait sur le calorifère. J'ai lâché des reboots. Hein? Ok, j'ai parlé de la confiance. Il y en a un autre? Oui, mais je pense pas. Du couple? Il m'a parlé de vous. Je m'ai mal saisi dans une difficulté avec. Personne, puis, c'est pas ça. Bon. Je voudrais-tu parler du couple? Moi, j'ai compris qu'un groupe, il faut être un groupe pour pouvoir. Bon, je vais en parler une autre fois. Parler, je vais pas parler ça. Il y a une autre ligne. Il y en a-tu d'autres? Non. Pas important. Il y en a-tu un autre? Une autre fois. Il faut que je reste d'une vibration. Il y en a-tu un autre? L'humilité. Ça, pas ça non plus. Il y en a-tu un autre? Pas, non. Un autre? Le transmutation. Encore bien moins. La centricité. Ce qui est le plus approprié maintenant. Ce qui est le plus approprié maintenant? Il y a deux choses qui sont appropriées maintenant. Puis je vais l'élever, ce que je te dis, je vais l'élever pour que ça serve à tout le monde.

que vous allez être encore dans la domination de la pensée, mais aussitôt que vous sortez de la domination de la pensée, le monde des esprits ne peut plus vous dominer parce que déjà vous avez la capacité de comprendre la nature de votre pensée, dans ce sens que vous avez la capacité de communiquer avec eux autres, dans ce sens que vous avez la capacité de les mettre contre le mur et de dire « oui, oui, mais ça, là, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? » De communiquer. Quand je te parle, toi, si je te dis quelque chose qui ne va pas dans la tête, tu vas dire « mais oui, mais explique-moi donc, là, qu'est-ce que c'est que ça? » Tu sais? Bon. Qu'est-ce qui nous empêche, des fois, moi, ça passe. Je le sais que c'est une communication. Ouais. Mais, automatiquement, c'est toujours la tendance d'en recevoir un petit peu, puis commencer à bricoler avec ça. Ouais, ouais, ouais. Là, ça ouais, ouais, c'est ça. Bricole pas avec rien. C'est parce que tu veux bricoler. Arrêtez de bricoler. Je vais te montrer comment est-ce que jusqu'à quel point vous êtes intelligent, vous ne le réalisez même pas. Je vais prendre le docteur Arbeck. Docteur Arbeck, lui, il parle, OK? On va voir le mécanisme de sa pensée. Mandez donc dans votre tête, attendez la pensée mentale. Demandez dans votre tête comment ça va. Ben, il y a quelque chose qui vient à l'idée que ça passe, mais je ne sais pas si c'est ça. Qu'est-ce que c'est la pensée qui vient? Quand vous dites comment ça va? On est tellement habitué dans le laissez-moi, il a dit, arrête pas, il tricote. Comment ça va? Comment ça va? Ça me répond, ça va bien. Ça répond, ça va bien. OK. Qui me dit que ça laisse un temps encore. Tu vois? Les gens veulent être dans leur intelligence. Demandez donc si vous êtes intelligent. Ça dépend sur quel point de vue. Donnez-moi la réponse, mentale. La réponse mentale. Mais non, si vous êtes intelligent. C'est possible. C'est possible. OK. Demandez donc si vous êtes plus intelligent que vous pensez. C'est possible, OK. Demandez donc quand est-ce que vous allez être plus intelligent que vous pensez. Quand j'aurai des premiers à Twist. Quand vous allez pogner à Twist. C'est ça. Demandez donc quand est-ce que vous allez pogner à Twist. Ça va venir. Tu vois, là, il y a une vibration qui ne vient pas de l'ego. C'est pas l'ego qui répond ça. C'est pas l'ego qui dit quand je vais pogner à Twist. Demandez donc si j'étais déjà, moi. Ça répond oui. OK. Pourquoi? Fusion, OK. Demandez donc si les hommes sont aussi... Quand je parle des hommes, là, je parle du potentiel de l'homme. Demandez donc si les hommes ont le potentiel d'être aussi intelligents que moi. Oui. OK. Ça résout le problème. C'est comment? Pourquoi? C'est parce qu'on communique avec l'intelligence. C'est ça, on communique avec l'intelligence. C'est ça la différence entre moi et puis vous. C'est la même énergie qui part. C'est toujours la même énergie qui part. Que ce soit moi ou un autre, ça ne change rien, ça. C'est ça. Dès qu'il a à toi, c'est à toi. Autrement dit, on est intelligent si on n'est pas sur notre faute. Bon, c'est ça. C'est notre crise de faute. Puis il m'a dit une chose, c'est votre crise de faute. OK? Parce que je vous le dis assez souvent, puis je vous l'explique assez souvent, de 50 000 façons, c'est votre maudite faute, puis c'est la faute de votre ego. OK? C'est de votre faute. C'est pas de leur faute. C'est de votre faute parce qu'ils ont sur la Terre un représentant parfait d'intelligence. Fait que c'est de votre faute. C'est pas de leur faute. Ils peuvent pas faire autrement. C'est de votre faute. Tout le monde, là, si vous pensez pas intelligent, vous ne serez pas. Pognez-les à twist. C'est de votre faute. Parce que moi, je sais que tous les outils, tant que je suis ici, tous les outils concernant le rapport entre l'homme et les trois principes sont donnés à l'homme. Ça fait partie de mon instruction, ça fait partie de mon mandat. Je suis venu ici pour ça. Puis je le fais parfaitement, il n'y a pas de faille. Fait que si vous ne pognez pas à twist, c'est de votre maudite faute. Comment même que vous chialeriez, je m'en sac comme dans la garante. C'est ça que je dis, j'ai pas de sympathie pour l'homme. Je suis patient, mais j'ai pas de sympathie. Quand on ne se passera pas intelligent, les autres ne pourront pas rien faire. Exactement. C'est pour ça, quand il y en a parmi vous autres qui sont intelligents, je le dis à tout le monde.